sans même trop y résister. Un jour viendra déambulant des inhibés, on pourra même plus regarder quand tout autour aura brûlé. Abandonné par ses amers, brisé par nos pensées, se retrouver tous assoiffés. Qu'est devenu l'homme qui était en nous? Où est-il parti? Sommes-nous devenus fous? Qu'est devenu l'homme qui est en nous? Où se cache-t-il? Sortez de ce trou. Un jour viendra, on ne sait pas pourquoi.